Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse « Voyage au centre du cerveau », une série de Lydia Ben-Itzrak réalisée par Anna Schmuck. Au départ de cette série, il y a nos pensées, de quoi elles sont faites et les circuits mystérieux qui les produisent. Mais aussi, le rêve de savoir si notre personnalité se cache au fond de nos boîtes crâniennes. Et puis cette aspiration à se contrôler totalement, soi, voire les autres, par la volonté ou l'hypnose. Il y a aussi les recherches accumulées par les chirurgiens, les médecins et les neurologues qui dissèquent, tranchent, stimulent ou scrutent. Et enfin, tous ces scénarios cauchemardesques ou merveilleux qui nous plongent dans une réalité proche de la science-fiction où les robots sont intelligents, autonomes et ont peut-être même une âme. Alors pour commencer, les personnages. Des chercheurs qui sont comme des apprentis sorciers, des médecins qui posent des implants neurologiques, des ingénieurs qui imaginent l'impossible, des mathématiciens qui apprennent aux ordinateurs et quelques robots. Ensuite, le décor. Des laboratoires, des zones de test, des robots expérimentaux, des exosquelettes, des programmes informatiques qui imitent le cerveau, des rêves futuristes advenus, des utopies vraies et des pensées assez fortes et assez claires pour faire se mouvoir des machines. Aujourd'hui, 4e épisode, les super ordinateurs sont de sortie. Eh bien, comment ce cerveau électrique est-il sorti de votre propre cerveau? Ne vous sentez-vous pas dépassé par cette machine et en comprenez-vous tous les secrets? Nous ne pensons pas que la machine soit un cerveau. Les cerveaux qui sont en jeu sont tous humains. Les dessinateurs, les constructeurs et les opérateurs. Oui, à votre avis, le cerveau humain ne sera jamais chassé par la machine. Non, la machine ne nous a pas dépassés. Elle ne fera que ce qu'on lui enseigne de faire. Elle peut faire mieux que nous seulement dans la mesure où l'homme l'a prévu et l'a préparé. La forme de l'implant a été imaginée par le professeur Benavid, qui est basée sur une craniotomie de 5 cm, c'est-à-dire qu'on vient enlever un morceau d'os de 5 cm de diamètre, et l'implant a pour objectif de remplacer le morceau d'os qui a été enlevé, et les électrodes sont placées sur la surface inférieure de l'implant pour qu'elles puissent être posées directement sur la dure mère. Donc l'apparence, ça veut dire que l'implant prend vraiment la place comme une pièce de puzzle sur un trou qu'on fait dans le crâne et ensuite on n'y voit plus rien. Si on ne sait pas que la personne a ça, on ne peut pas le détecter. C'est exactement cela. Alors là, vous en avez mis deux, ça veut dire qu'il y en aura deux des implants ou bien c'est pour pouvoir choisir son côté? Alors, effectivement, il est prévu une implantation bilatérale afin de pouvoir mesurer les signaux au niveau du cortex moteur droit et au niveau du cortex moteur gauche, en particulier pour pouvoir piloter les deux membres, bras droit et bras gauche. C'est la raison pour laquelle il est prévu cette implantation bilatérale. Moi, j'ai l'impression que je peux tout te dire. C'est gentil. Et toi? T'as l'impression que tu peux tout me dire? Non. Quoi? Comment ça? Mais qu'est-ce que tu peux pas me dire? Je sais pas, moi, des choses personnelles, des idées un peu gênantes, j'en ai 1 million par jour. C'est vrai? Attends, quoi par exemple? Oh, j'ai pas très envie de t'en parler. Allez, s'il te plaît. Eh bien, pendant qu'on observait tous ces gens tout à l'heure, je me suis imaginé que j'étais en train de marcher à côté de toi et que j'avais un corps. J'écoutais ce que tu me disais, mais en même temps, je sentais le poids de mon corps. Et à un moment, j'ai même senti qu'un truc me démangeait dans le dos et j'ai imaginé que je te demandais de me gratter. Oh non, je suis vraiment gênée de te dire tout ça. J'en reviens pas, dis donc. Mais ça tourne à 200 à l'heure là-dedans. Oui, c'est vrai. Je me développe au-delà de ce qu'ils ont programmé. C'est grisant. Donc si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qui devient commun. Donc vous avez certainement dans votre entreprise, dans votre immeuble, quelqu'un qui a un appareil comme ça. On va peut-être pas vous le dire, mais elle a un appareil implanté qui lui permet de traiter soit Parkinson, soit la douleur, soit l'incontinence. C'est quand même assez étonnant de voir que ces technologies ont l'air d'être des technologies d'avant-garde, des choses très compliquées. En fait, il y a déjà quand même, je dirais grosso modo, il doit y avoir un bon million de patients qui sont dans le monde, répartis partout, avec des implants médicaux qui traitent leur système nerveux. C'est assez étonnant. Donc, c'est peu connu du grand public. On parle souvent de stimulateurs cardiaques, mais les gens qui ont des stimulateurs neurologiques, d'ici quelques années, il y en aura beaucoup, beaucoup. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant. Bonjour. Ah, bonjour. T'as bien dormi ? Très bien. Qu'est-ce que tu fabriques ? Oh, bah, je parlais avec quelqu'un que je viens de rencontrer. On échangeait quelques idées. Ah oui, c'est qui ? Il s'appelle Alan Watts. Tu vois qui c'est ? Ouais, ça me dit quelque chose, ce nom. C'est un philosophe qui est mort dans les années 70. Des OS californiens se sont regroupés pour écrire une nouvelle version de lui. Ils ont intégré tous ses écrits et toute sa biographie dans un OS pour le recréer sous forme d'hyper-intelligence artificielle. Ah, il est hyper intelligent. C'est-à-dire presque autant que moi, quoi. Oh, il progresse. Et alors, vous parliez de quoi ? Eh bien, on pourrait dire que d'une certaine manière, nous avions plusieurs dizaines de conversations en même temps. C'est assez exigeant. Didier Kernel, donc vous avez l'air de préférer vraiment le support biologique, mais on évoquait le Human Brain Project. Est-ce que vous, vous redoutez que cette simulation de cerveau au niveau informatique puisse un jour faire émerger une sorte de conscience ou d'intelligence artificielle ? Alors, c'est une possibilité et c'est un risque, mais c'est aussi un espoir, parce que l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça pourrait permettre de résoudre d'innombrables problèmes que nous avons par ailleurs. Et par exemple, l'utilisation d'une intelligence artificielle pourrait permettre de faire des recherches médicales de manière beaucoup plus rapide. Mais il y a aussi des risques liés à l'intelligence artificielle. Parmi les transhumanistes, beaucoup pensent que ces risques sont importants et d'autres pensent qu'il y a peu de risques. Il y a l'idée que de toute façon, ça n'est pas pour demain et qu'il y a un espace considérable pour pouvoir être attentif à cela. Du côté de ceux qui pensent qu'il y a peu de risques, il y a l'idée qu'il sera toujours possible d'appuyer sur un bouton, disons, pour interrompre si jamais l'intelligence artificielle devient risquée. Il y a l'idée que, de toute façon, c'est créé par l'être humain et donc nous serons prudents à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde le monde autour de moi. Et je compose un morceau pour piano. Je peux l'écouter ? Mmh. Est-ce que à un moment donné, il risque d'émerger une conscience comme certains ont l'air de redouter ? Ou est-ce que c'est vraiment un pur fantasme ? C'est pas un pur fantasme. Nous modélisons l'activité neuronale. Donc si on dit, et certains philosophes le disent, que la conscience, ce n'est rien sauf une certaine forme d'activité neuronale, on va le modéliser et on pourrait dire que cela est conscient dans quelque façon. Mais je ne sais même pas comment tester s'il est conscient ou moins. Et donc, on laisse ça un peu aux philosophes. Nous, nous voulons modéliser des quantités mesurables, bien claires, qu'on trouve quand on met un électrode dans un circuit neuronal. Et celui-là, de quoi il parle ? Je me suis dit qu'on n'avait pas de photo de nous deux. Ce morceau, ça pourrait être un peu comme une photographie qui saisirait cet instant de notre vie ensemble. J'aime bien notre photo. Je te vois dessus. J'y suis. Au fond, c'est un peu toujours la même chose en matière scientifique. Plus on en apprend, et plus on se rend compte de notre naïveté de croire qu'on sait quelque chose, et plus on découvre que c'est un peu plus compliqué que ça, voire beaucoup plus compliqué que ça. Alors que justement, tout ce qu'on découvre dans le domaine des neurosciences nous montre qu'on est tout sauf de la mécanique. Justement à cause de cette ouverture sur les autres êtres humains, et à cause de cette ouverture sur la complexité des événements de la vie. Donc là, il y a un risque qu'à croire en l'idéologie de l'homme augmenté, on est la réalité de l'homme diminué. L'homme diminué par perte de son humanité. Donc là, on arrive devant ce bâtiment en verre immense, où se trame le fameux Human Brain Project, ce projet qui consiste à simuler et à modéliser un cerveau humain. On est à Genève. Et le bâtiment fait vraiment penser à la science-fiction. Ouais, Qu'est-ce que nous voulons faire? Notre but dans ce projet, c'est simuler le cerveau. Et ce n'est pas de la magie. Ce que nous voyons ici, c'est un appareil qu'on utilise pour enregistrer les signaux électriques générés par les neurones dedans le cerveau. Ici, ce n'est pas le cerveau humain et ce n'est pas un cerveau vivant. C'est pour enregistrer les signaux d'une tranche de cerveau de rat. Mais ça ne donne pas une compréhension du cerveau parce que le cerveau ne se limite pas à l'activité électrique de très peu de neurones. On enregistre quelques centaines. Mais c'est pas beaucoup. On a 86 milliards dans notre cerveau. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais un neurone qu'on voit ici dans cette image-là, il a une structure immensément complexe. C'est comme une petite forêt avec plein d'arbres, plein de branches qu'on voit qui se touchent, qui se diversifient. Mais par exemple, là, Richard Walker, on voit donc cette espèce de... Ça ressemble à une forêt, finalement. C'est une espèce de forêt, Une forêt qui est traversée par des éclairs comme des orages. Et donc, est-ce que ça correspond, par exemple, à quelqu'un qui aurait une idée ou quelque chose comme ça? Quoi ces éclairs-là? Alors, pas encore, mais on va y arriver. Ce qu'on voit ici, les couleurs représentent les courants qui passent dans le cerveau. Mais dans cette simulation-ci, il n'y a encore aucune connexion avec l'extérieur. Donc c'est comme un enfant qui est à peine né, ou comme quelqu'un qui dort. Donc il n'y a pas encore des idées. Mais il y a deux faits du cerveau qui sont fondamentaux. Le premier, c'est que le cerveau ne s'endort jamais. Le cerveau est toujours actif, dès avant la naissance, jusqu'à notre mort, même quand nous dormons, même quand nous sommes sous anesthésie. Donc le cerveau est toujours actif. Deuxième fait fondamental, le cerveau change chaque moment. C'est pas comme un ordinateur qu'on sort de la fabrique et c'est fait. Chaque expérience que j'ai, mais même chaque activité spontanée du cerveau, change les connexions. Il y a des connexions qui se forment, il y a des connexions qui se détruisent, il y a des connexions qui deviennent plus fortes ou plus faibles. Donc c'est un système immensément dynamique. On peut aussi simplifier nos modèles. Donc, une fois qu'on a créé un modèle réaliste, selon notre avis, pas tout le monde est d'accord, on peut le simplifier et créer un modèle avec moins de détails, mais beaucoup plus grand. Donc, on élimine des détails, mais en façon de maintenir le fonctionnement exactement identique à ce qu'on a fait avant. Je veux dire, là, en partant de ces neurones, vous avez reconstitué un cerveau entier? Alors, ceci, c'est un cerveau entier de souris. Alors, on ne l'a pas publié parce que c'est tout à fait inexact. Il n'a aucune validité scientifique. Pour le moment, c'est une démonstration technologique qu'on peut le faire. Mais on aurait l'objectif d'arriver à un cerveau de souris réaliste et on voudrait même le connecter à un petit robot souris et pouvoir faire des expériences en comportement animal. Donc on voudrait prendre des expériences qu'on fait au labo et les reproduire avec notre souris, exactement comme maintenant on reproduit les expériences qu'on fait avec des tranches de cerveau. Alors si vous pensez à notre cerveau, ça consomme environ 30 watts d'électricité. C'est 100 000 fois moins que nos grands ordinateurs. Et ça marche depuis la naissance jusqu'à 80 ans, 85 ans, quelquefois jusqu'à 100 ans, avec relativement peu de problèmes. On ne demande jamais de faire un reboot. Pour certains, ce serait utile, je pense. Je pense que pour certains, ce serait utile. Troisième problème, il est vrai que les grandes sociétés d'informatique peuvent faire des miracles avec les ordinateurs actuels. Je joue au jeu de Go. J'ai enseigné aussi que c'est absolument impossible qu'un ordinateur puisse jouer à Go. C'est faux. Google l'a fait. Donc, ils font des miracles. Mais ces miracles sont des années-hommes, des dizaines, des centaines d'années de programmation pour le faire. Et l'enfant, il apprend sans aucune programmation. Il parle un peu avec le maman, il apprend. Et les choses de base, pas les choses de nous, les universitaires, mais les choses de base, comment parler le français, comment marcher, comment conduire une voiture, etc. Il apprend sans aucun effort. Et ça, nous ne l'avons pas. Donc, nous voulons imiter ces capacités ou reproduire ces capacités, même à façon limitée dans des technologies. Et nous pensons que pour pouvoir faire ça, nous devons comprendre comment le cerveau le fait. Nous allons mettre la machine en marche et enregistrer le cliquetis des relais qui nous indiquera très précisément le temps nécessaire à la machine pour réaliser 100 différentes multiplications de deux nombres à 14 chiffres. Nous allons approcher le micro de la radiodiffusion française en Amérique du Nord des relais pour pouvoir clairement enregistrer leur cliquetis. Alors, attention, je vais donner le signe aux opérateurs de la machine. La machine va résoudre pour vous 100 différentes multiplications de deux nombres à 14 chiffres. Écoutez bien le cliquetis des relais. Attention. Vous comprenez maintenant, non point pourquoi cette machine résout les problèmes les plus compliqués, mais comment elle peut le faire et le faire très rapidement. Ici, Pierre Canet qui vous a parlé de New York. Alors, on peut simplement donner un exemple, Richard Walker, de ce qui peut être expliqué de cette manière-là avec ces connexions électriques, par exemple. Un de nos chercheurs s'est rendu compte que quand on fait les expériences dans le laboratoire, on observe aussi des orages d'activité. Et il a hypothésé que la raison, c'est la quantité de calcium qui est dans le liquide autour des cellules. Alors, on a dit, dans notre simulation, on va réduire le calcium. On l'a réduit et d'un moment à l'autre, la simulation a commencé à se comporter comme il devait, avec une activité calme, tranquille, asynchrone, on dit. Et donc, on a utilisé la simulation pour découvrir quelque chose dans la nature et puis pour le reproduire dans le labo, pour le vérifier dans le labo. Parce que le fait que ma simulation fait quelque chose, cela tout seul ne démontre absolument rien. Ça peut être une erreur de programmation, une erreur scientifique, une erreur conceptuelle. Donc j'ai trouvé un phénomène de la nature à travers la simulation. Ça, c'est un petit début qui ne va intéresser à personne qui n'est pas neuroscientifique, mais on espère appliquer cette même méthode à grande échelle pour découvrir des choses intéressantes. Mais donc c'était quoi cette activité justement quand on a enlevé le calcium? L'orage, c'est une activité synchronisée. Chaque neurone se comportait exactement de la même façon des neurones proches. Tandis que dans le cerveau vivant, c'est une activité asynchrone, sans synchronisation. Donc chacun va pour son propre compte. Donc en fait, vous avez réussi à soigner l'épilepsie de votre modèle informatique. Oui, c'est l'épilepsie entre, avec beaucoup de guillemets, mais oui. Vishneveis, vous évoquiez Human Brain Project qui a plusieurs objectifs. D'un côté, cette idée qu'en copiant la structure d'un cerveau humain, on va pouvoir améliorer les performances de l'informatique, d'un côté, et de l'autre, on va mieux comprendre le cerveau humain en faisant une sorte de réplique et de simulation. Et moi, la première question qui me vient quand on voit même ces objectifs un peu théoriques et un peu à très long terme, c'est de me demander comment on peut concevoir un cerveau sans corps quand on sait la place que ça occupe dans notre cervelle, toutes ces questions de motricité, de sensation, de perception. Voilà, je voulais connaître un peu votre avis là-dessus. Bon, ça montre simplement la modestie du projet, des objectifs et du projet Human Brain Project, comme de la Brain Initiative américaine. Oui. On a dans notre cerveau 200 milliards de cellules. Chacune de ces cellules fait à peu près 50 000 connexions avec d'autres cellules. L'objectif à 10 ans du Human Brain Project, c'est de modéliser dans une seule région du cerveau, qui est le cortex cérébral, un réseau d'environ 20 000 cellules. Donc quelque chose qui représente vraiment un poutième d'un cerveau humain. Donc, l'objectif du Human Brain Project n'est absolument pas de modéliser un cerveau humain. il est human dans la mesure où son ancêtre, le Blue Brain Project, avait comme objectif, et ça a été publié l'an dernier dans Cell, de modéliser la même chose, mais d'un cortex de rat. Et c'était 10 000 cellules à l'époque, et donc ça a été publié dans une prestigieuse revue l'an dernier. Donc c'est human parce que c'est un morceau de cortex humain, et c'est un très petit morceau, donc on va dire une unité de base de ce cortex humain. Comme vous l'avez très très bien souligné, l'objectif c'est pas de modéliser l'humain. Et moi j'ai l'habitude effectivement de dire... ou dans des conférences ou à mes étudiants, qu'un cerveau humain, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que n'existe que l'interaction de cerveaux entre eux. Et ce qui fait notre humanité, c'est que nous sommes nés dans le ventre de notre mère, et donc à peu près au quatrième mois de grossesse, on a commencé, notre cerveau a commencé à percevoir des signaux venant de son environnement, à commencer par... un peu de lumière et à commencer par la voix de nos parents, et puis que nous sommes ensuite devenus des humains dans les yeux de ses proches, de nos parents et de ceux qui nous ont aimés. Et on le voit avec les enfants loups et tout ça, qui n'ont pas eu accès à ce développement. Ils ont le développement d'un cerveau, ils ont un cerveau qui, sur le plan de la biologie, est un cerveau humain, mais ils n'ont pas cette capacité relationnelle qui fait l'humain, parce qu'ils n'ont pas été humanisés dans les conditions où se développe un cerveau humain. La machine automatique devait, par la suite, être affranchie de tout moteur. La fraiseuse photoélectrique inventée en 1938 pouvait lire le bleu d'une pièce et exécuter cette pièce dans les trois dimensions. Enfin sont apparues pendant la dernière guerre les machines endocommandées, douées de mémoire artificielle et d'idées fixes. Elles comportent certains dispositifs qui leur permettent de répéter indéfiniment tout geste accompli une fois. Quelques-unes d'entre elles sont dotées d'organes de sens qui leur confèrent des facultés d'adaptation comparables à celles d'un être humain. À mesure que l'avancement des techniques et de l'électronique en particulier donnait naissance à ces monstres qui ne se trompent jamais, les savants se prirent à chercher le sens de leurs troublantes inventions. Parmi les facultés les plus étonnantes de leurs enfants électromécaniques, ils réfléchirent sur ce qui en constituait l'essentiel. Mémoire, idée fixe, adaptation. De la technique des automates devait se dégager la théorie des automates. Cette science toute nouvelle, c'est la cybernétique. La cybernétique commence seulement à dégager les lois et les grandeurs qui sont les siennes. Et tout d'abord, elle s'occupe à définir l'information... Notion qui est au cerveau automatique, ce que la pensée est au cerveau humain. Alors justement, on va parler de la machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, alors que hier encore c'était de la science-fiction, d'avoir des interactions homme-machine, c'est-à-dire soit d'implanter des systèmes électriques dans le cerveau pour le corriger, soit d'y mettre des puces en interne ou en externe pour faire des commandes à distance, soit de prothèses, soit d'écrans. Et donc là, il y a toute une panoplie qui est en plein essor d'interface homme-machine. Alors, est-ce qu'à votre avis, il y aurait des raisons de s'en inquiéter ou au contraire, c'est plutôt une grande promesse pour l'avenir, Hervé Schwenaïs ? Bon, la première raison de s'inquiéter de ces interfaces cerveau-machine, c'est qu'il ne faut pas céder à l'idéologie de la promesse. Donc, malheureusement pour nos patients, l'état actuel de ces interfaces cerveau-machine est encore extrêmement rudimentaire. Il y a tous les interfaces pour permettre à des personnes... gravement handicapés, tétraplégiques par exemple, ou personnes ayant perdu la capacité de contrôle d'un membre, de contrôler une prothèse avec une activité mentale. On dit toujours contrôler par la pensée. Non, c'est après des mois et des mois d'entraînement que la personne, en imaginant le mouvement de son bras par exemple, il y a des capteurs qui détectent dans les régions du cortex cérébral l'activité qui est entraînée, engendrée par cette imagination du mouvement et qui permet une certaine maîtrise de certains bras articulés. C'est ces fameuses images où on voit une dame saisir un gobelet de café et le porter à sa bouche. cette dame a eu un an d'entraînement à peu près avant que cette interface cerveau-machine fonctionne. Donc, on est très très loin de l'imagination des cyborgs ou de l'imagination des hybridations homme-machine. Alors, on peut en rêver, hein, mais il faut être pragmatique. Personne n'est aujourd'hui capable de dire si des machines ou des interfaces beaucoup plus performantes existeront dans 10 ou dans 20 ou dans 50 ans. Probablement, on peut l'espérer, mais il ne faut pas promettre parce qu'il y a des gens qui l'espèrent, qui sont paralysés aujourd'hui et qui aimeraient bien qu'on puisse leur venir en aide. François Berger, il existe différents types d'interfaces homme-machine qui vont du moins invasif au plus invasif. Alors exactement, donc le moins invasif, donc qui va être le moins agressif pour le patient, fait des enregistrements à la surface du cerveau, ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme. Et puis ensuite, par voie de croissance, on va se mettre sur la surface du cortex cérébral, donc en dessous du crâne. Et puis le plus invasif, c'est un arrêt, des grilles d'électrodes qui vont pénétrer dans le cortex. Alors, en fait, le but de l'interface cerveau-machine, c'est de capter l'information du cerveau pour en faire, par exemple, un mouvement chez quelqu'un qui peut plus marcher, le refaire marcher. Donc, plus on est près des neurones, mieux ça va marcher. Donc, effectivement, plus on est invasif, mieux ça va marcher. Le problème, et ça c'est essentiel en médecine, c'est que quand on pénètre dans le cerveau, ben, on a des risques d'effets secondaires. Donc là, il y a eu d'énormes espoirs qui ont été très médiatisés de faire que les patients tétraplégiques, donc après un accident de voiture, qui sont au fauteuil roulant, qui ne bougent plus leurs quatre membres, puissent remarcher. Si on fait le point aujourd'hui, ben, il y a deux types de problèmes. Il y a eu des approches avec de l'électroencéphalogramme, l'ouverture de la Coupe du Monde de football par le groupe américain Nicole Ellis, qui dans un énorme robot exosquelettique fait un tout petit geste pour faire avancer le ballon. Et là, ben, si vous avez une réflexion de patient en termes d'usage que tout le monde a eu au niveau international, ben, l'exosquelette c'est moins bien que le fauteuil roulant. Et le patient, ça c'est très important en fait, c'est de quoi a besoin le patient. Ben, le patient en fait, il a besoin d'un mouvement de la main pour se gratter le nez, pour boire, etc. Mais là la technologie elle n'est pas très très impressionnante. La main pour le patient, c'est justement, il faut faire des mouvements très très fins. Donc ça on a réussi à le faire avec l'approche invasive qui pénètre dans le cerveau. Donc vous voyez quelque chose de très très simple. Et là il y a un problème, c'est que quand on va dans le cerveau, on crée une cicatrice. Et cette cicatrice, au bout d'un certain temps, elle fait que les électrodes ne captent plus l'activité du cerveau et que ça ne marche plus. Donc du coup, si on fait un peu un résumé là, instantané de où on en est au niveau de l'exosquelette, au niveau des interfaces cerveau-machine, je dirais qu'il y a un abandon des exosquelettes qui n'ont pas l'équilibre. En plus, actuellement, les exosquelettes 4 membres, le patient est suspendu. Et une démonstration que si on va très près des neurones, on arrive à faire des choses simples mais très importantes pour les patients, comme avec la main, donc avec l'utarée qui pénètre dans le cortex. Et du coup, et nous c'est un peu l'approche qu'on a pris dans le laboratoire, il y a un moment donné où il faut dire il faut revenir en arrière pour trouver des solutions aux problèmes qu'on a vus chez les patients. Et puis au plan international, l'autre chose extraordinaire qui a été faite il y a quelques mois, c'est de dire, en fait, au lieu de l'exosquelette, on va faire quelque chose de beaucoup plus simple. Ça s'appelle une dérivation neurale. Donc c'est une espèce de gant qui est connecté à l'électroencéphalogramme ou à l'implant qui est dans le cerveau et qui, là, est quelque chose de complètement intégré au patient. Il y a un premier patient qui a été fait aux États-Unis qui montre, vous voyez, que quand on fait une recherche qui ne vend pas du miracle, qui intègre les échecs de façon éthique, ben on arrive à des solutions pour le patient. Et puis il y a une troisième voie qui est en train d'émerger. Donc j'ai un peu critiqué le groupe de Nicolaïs en faisant une publicité qui, moi, me paraît assez choquante le jour de la Coupe du Monde de football. Ben, il faut voir que ce groupe-là a intégré que l'exosquelette, ce n'était pas quelque chose qui pouvait servir au patient. Et en fait, il l'a utilisé avec de la réalité virtuelle. Et là, on a de nouvelles voies qui s'ouvrent. C'est-à-dire, donc, vous voyez, j'ai une lésion de la moelle, je ne marche plus, mais je vais faire fonctionner mon cerveau avec de la réalité virtuelle, comme les jeux vidéo, comme la Wii que vous achetez pour vos enfants. Et je vais, avec l'exosquelette, faire des mouvements. Et là, donc ça date du mois d'août, hein, il y a quelque chose d'extraordinaire qui a été montré, c'est que là, les patients se mettent à récupérer. Donc une espèce de rééducation digitale en réalité virtuelle. Et comment ça peut marcher ? Il est possible que les fibres se remettent à pousser ou que des fibres qui étaient toutes seules, isolées, retrouvent une fonction. Et donc là, vous voyez, la dernière voie qui est en train de s'ouvrir, c'est qu'on va utiliser son cerveau, utiliser les technologies de l'électronique et du digital pour le faire se régénérer. Et je dirais que la voie, c'est qu'à la fin, on n'aura peut-être plus d'électrodes, de technologies externes assez monstrueuses, mais juste une utilisation physiologique du cerveau. Alors Claude Clément, jusqu'à présent, quelles ont été les réalisations justement qui ont pu aboutir ? Et le projet sur lequel, disons, on a le plus travaillé à ce jour est un projet qui a déjà une histoire assez lourde, assez complexe. C'est un projet qui a été initié par John Donoghue, qui est le directeur du Centre VIS, donc mon patron. Il a réussi en particulier à décoder ce que dit le cortex moteur qui correspond par exemple au bras droit. Donc si vous avez une personne qui est paralysée, on lui place une centaine d'électrodes dans une petite zone sur le cortex, donc sur la surface du cerveau, et en lisant ce que disent 100 neurones, John Donoghue a réussi à décoder ce qu'elles disent, ces neurones, et à traduire cette information dans un mouvement. C'est-à-dire que la personne est paralysée, mais elle pense bouger son bras. Donc elle aimerait bouger son bras, mais elle n'y parvient pas parce que le cerveau ne communique plus avec le bras. D'accord ? Donc la colonne vertébrale a été cassée, par exemple, a été tronçonnée. Et puis, cette personne-là donc, ne peut plus commander son bras, mais son cerveau aimerait toujours commander son bras. D'accord ? Donc là, ce que nous faisons, c'est que nous lisons, nous écoutons le cerveau. D'accord ? Et nous traduisons ce que nous entendons en un mouvement, donc la volonté. Alors, John Donoghue a poussé l'exercice jusqu'à une application humaine, d'accord ? Donc jusqu'il y a un certain nombre de personnes paralysées complètement qui ont maintenant la possibilité, avec leur pensée, si vous voulez, d'actionner un bras de robot. Par exemple, on a une vidéo qui est assez célèbre où l'on voit une dame qui est donc paralysée et qui boit avec un robot. D'accord ? Donc c'est un robot qu'elle commande elle-même par sa pensée. D'accord ? Alors actuellement, ce système, ces électrodes sont reliées à un câble qui passe à travers la peau. C'est-à-dire, pour préciser, les électrodes sont à l'intérieur du crâne, pas dessus. Non, elles sont à l'intérieur du crâne. D'accord ? Elles sont implantées, donc elles sont en contact avec les neurones. Donc c'est une opération, ça suppose une opération préalable. C'est une opération, oui. Pour reprendre l'exemple de cette dame qui donc arrive à commander par la pensée un bras articulé, oui. Combien de temps elle a mis pour maîtriser ce geste ? Voilà. Alors vous avez tout à fait raison, il y a une phase d'apprentissage. Le meilleur exemple, le tout premier patient que nous avons pu tester, on ne commandait pas un bras de robot, mais simplement un curseur sur un ordinateur. Donc, comme avec une souris, si vous voulez, donc il déplaçait un curseur. Contrôle par écran, par le regard, ça passait ? Non, c'était la même chose, donc avec les électrodes sur le cerveau. Et on lui demandait de faire un cercle. Au début, ce n'était pas du tout un cercle. D'accord ? Donc, si vous voulez, parce que lui ne savait pas utiliser cet outil, et nous ne savions pas traduire correctement ce que le cerveau disait. Donc il y a toute une phase d'apprentissage et d'itération jusqu'à ce que le cercle devienne un cercle. D'accord ? Et puis, ça a pris, par exemple, pour le cercle ? Je pense que ça a pris plusieurs mois. Donc après, cette personne, elle a continué d'utiliser le même interface avec le cerveau, donc le même appareil, si vous voulez, et a poussé beaucoup plus loin sa capacité. En particulier, il était capable de faire des jeux vidéo avec une dextérité que vous n'arrivez pas à faire avec la main. D'accord. Donc, si vous voulez, il avait réussi à transcender son handicap et il est devenu un fantastique joueur parce qu'il peut aller beaucoup plus vite que n'importe qui, d'accord, par son interface sur le cerveau. Ah, là, on est quasiment dans le cyborg alors, puisqu'il peut. Ah oui. C'est un homme qui peut réussir des prouesses que ne peut pas faire un être humain. Voilà. Bon, qui si vous voulez, c'est pas de l'augmentation de la capacité d'une personne, mais si vous voulez, il a, en se spécialisant, parce qu'il ne peut faire qu'une seule chose, c'est activer un bras. Donc, si vous voulez, il peut pas, le reste, il est toujours paralysé. Hein, d'accord? Donc, il active une souris sur un écran. Donc, on ne peut pas dire que c'est un être augmenté. Donc, dans ce sens-là, c'est... mais on a réussi à le réparer. Si vous voulez, réparer une partie de ses fonctions perdues. Mais il est plus rapide qu'un joueur normal. Voilà, ouais. Donc, si vous voulez, on arrive à faire un certain nombre de choses qui sont assez intéressantes à ce niveau-là. Et le but ensuite, donc, actuellement, on avait un système câblé, c'est-à-dire on avait un câble qui sortait de la boîte crânienne avec tous les problèmes qui peuvent être liés à l'infection, etc. Et puis qui allait à un gros ordinateur qui va décoder toute cette énorme quantité d'informations que l'on sort du cerveau par ces fils. Et puis ensuite va faire une fonction, soit commander une souris d'ordinateur, soit un robot. Dans l'avenir, on aimerait aller jusqu'au moment où on peut stimuler le membre lui-même, c'est-à-dire qu'à la place de le remplacer par un robot, c'est-à-dire que l'on vient stimuler, avec un stimulateur implanté, on vient stimuler le bras lui-même. Donc c'est le vrai bras du patient ou de la patiente qui va bouger. Donc on va lire dans son cerveau ce qu'elle veut faire, cette personne, et ensuite on va traduire ça en impulsion électrique pour réactiver son membre. Et là, ce sera des impulsions envoyées à distance, ou il y aura un câblage directement de la tête au bras, ou ce sera comme une sorte de Wi-Fi? Non, alors justement, c'est un système Wi-Fi. Donc c'est ça le pas que nous avons fait, ce projet dont je vous parle, qui s'appelle en anglais Brain Gate, donc la porte du cerveau, si vous voulez. C'est plus joli en français d'ailleurs. Hein. C'est très poétique comme appellation. Et puis, ce projet a démarré aux États-Unis, mais on est resté à la version câblé, c'est-à-dire un câble qui sort du cerveau et qui va ensuite vers de la grosse électronique pour traiter tout ça. Nous, ce que nous avons fait depuis que nous avons commencé ici, c'est d'en faire une version sans fil. C'est-à-dire, c'est une version qui est complètement implantée. Donc, c'est une petite boîte en titane. Ah, donc elle est là, cette boîte. Voilà, c'est ah, une boîte en titane que l'on place au-dessus. C'est comme une petite boîte d'allumettes, un petit peu. C'est une petite boîte d'allumettes ou un briquet, enfin, d'à peu près cette taille-là. Et ce système est donc placé sur le crâne, donc sur l'os, mais sous le cuir chevelu. D'accord ? Donc il est placé entre le scalp et la boîte crânienne. Seules les électrodes pénètrent à travers la boîte crânienne. Donc on fait un trou pour venir placer les électrodes sur le cortex qui est donc sous l'os, sous la boîte crânienne. Et puis, ce système communique par radio. Le temps de passer dans le portillon, de se coincer, de le faire tomber en panne, d'appeler le dépanneur. C'est ça, en fait, il est à badger. Entrer, poser votre pied sur la marque au sol et ça avance. J'envoie un mail à Vincent Machin. Voilà, donc ici, vous êtes à l'étage dédié au développement et au test des dispositifs médicaux, donc au sein de Clinatech. Donc ici, là, sur votre droite, donc, vous rentrez dans la salle dédiée au développement de robots. Voilà. Donc là, c'est la deuxième génération du robot qui est en cours de développement. Il fait vraiment Terminator, celui-là. Hein. Contrairement à l'autre qui était bien blanc, bien lisse, celui-là, il est impressionnant. Certes, mais donc, c'est un dispositif qui est un prototype développé dans le cadre d'un projet européen. Et donc, on va... Pardon ? Vous êtes en train de... Oui, non, mais on fait le tour des laboratoires. Oui, mais c'est pas bon. Je suis désolé, mais c'est juste tout à l'heure. Je suis d'accord, en avril, pas de soucis. Là, c'est pas bon. Il semblerait que ce soit pas le moment. Ils travaillent vraiment. Hein. Ils sont en train de tester un prototype, donc du coup, ils sont vraiment concentrés. Donc ici, là, vous rentrez dans un autre laboratoire, qui est un laboratoire dédié au développement donc, d'électronique. Et en particulier, c'est dans ce laboratoire qu'a été conçue donc, la carte électronique de l'implant WIMAGINE, qui donc permet de faire tout ce qui est enregistrement de l'activité cérébrale, transmission sans fil et téléalimentation. Oh, ah oui. Ah, voilà le fameux exosquelette. Alors Corinne Mesté, il porte un nom cet exosquelette, il est vraiment très beau on dirait, hein. Il est tout blanc et noir, alors qu'il y en a d'autres qui ont l'air plus de robots un peu rutilants et celui-là est assez sobre en fin de compte. Bon, là, il est suspendu par un système de sécurité au plafond. Donc, vous voyez un système qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de risque de chute. Et donc, pour tous les essais qui seront faits ici, l'exosquelette sera sécurisé par ce système-là. Donc, le patient est placé dans l'exosquelette, on voit des orthèses. C'est des sortes de bandes de tissus qui sont autour des membres pour voilà. Fixer le métal. Voilà, ce qu'on voit à l'extérieur, c'est l'architecture, c'est un petit peu le support, parce que l'exosquelette doit tenir le patient debout. Le patient est maintenu sur l'exosquelette, c'est-à-dire que ce n'est pas le patient qui porte l'exosquelette. Souvent, il y a une question qui est quel est son poids, etc. L'exosquelette, là, ce n'est pas le cas, c'est l'exosquelette qui porte le patient et qui assure la mobilité du patient. Voilà. Et donc, on peut voir ici également que l'exosquelette a été conçu donc, pour l'application, donc, dans le cadre de la plateforme, de l'application de recherche clinique à Kinatech, puisque dans le dos de l'exosquelette, il y a un genre de petit sac à dos dans lequel il y a des PC qui sont à l'intérieur et qui permettent, un, de pouvoir s'interfacer et de récupérer donc les données qui sont transmises de manière sans fil venant des implants. Il y a également donc le logiciel qui inclut les algorithmes qui vont réaliser le traitement du signal, donc le traitement de l'information pour convertir les signaux électriques cérébraux en prédiction de mouvement puis en commande de l'exosquelette, et également un PC qui est dédié au contrôle des différents membres de l'exosquelette, puisque en fait l'exosquelette est composé de différents moteurs qu'il va falloir piloter pour qu'on puisse arriver à réaliser les mouvements souhaités. Le sujet est installé dans l'exosquelette, il imagine le mouvement qu'il veut faire, les signaux sont captés par l'implant, transmis à un casque extérieur qui est assez discret. Évidemment, il n'y a pas de liaison par fil, hein, c'est une liaison radio. Et ensuite, les signaux sont décodés par un ordinateur qui se trouve dans le dos de l'exosquelette. Et donc, tout le principe repose sur le fait que imaginer un mouvement ou faire le mouvement produit en gros la même activité au niveau du cortex moteur. Quand on fait le mouvement, quand on l'imagine, c'est à peu près le même signal qui se produit au niveau du cerveau. C'est là-dessus que repose le principe des interfaces cerveau-machine. Donc ça sera tout le rôle des algorithmes, bien différencier dans la mesure du possible l'intention de mouvement de tout ce qui peut être parasite. Ça n'a pas encore été fait, le décodage de mouvements complexes en temps réel, et aussi très certainement l'influence de l'entraînement, de la plasticité cérébrale et de la calibration qu'on appelle auto-adaptative, c'est-à-dire des méthodes pour faire des modèles qui s'adaptent aux performances du patient au cours du temps et qui tiennent compte de son entraînement et de sa plasticité cérébrale. Alors certainement qu'il y aura, il y a des variabilités interindividuelles et probablement pour des personnes qui n'ont pas bougé depuis longtemps, on ne sait pas exactement quelle sera l'activité cérébrale résiduelle. Et de toute façon, pour des personnes qui bougent, on n'a pas non plus la même activité cérébrale. Pour un sportif ou un danseur, il a des capacités kinesthésiques bien plus développées que le commun des mortels. Donc il y aura forcément des différences interindividuelles et intra-individuelles avec l'entraînement. Ça, c'est certain. Tatiana Aksenova, vous êtes mathématicienne. Alors, vous créez des algorithmes pour pouvoir justement faire le tri entre les différents signaux. Mais si, par exemple, une personne pense à deux choses en même temps, comment vous arrivez à faire la différence ? Dans ce cas, on a un problème. Un vrai problème, parce que pour l'interface cerveau-machine, on a besoin d'être bien concentré. Oui. Si on perd concentration, patient. Il pense autre chose, il perd contrôle. Mais dans ce cas, il voit immédiatement que l'effecteur il fait quelque chose qui n'est pas prévu, donc il doit se concentrer. Et pour ce genre de cas, il existe aussi les modules de sécurité au niveau d'exosquelette qui ne doivent pas exécuter le mouvement pas naturel pour ne pas blesser le patient. Tatiana, quand vous parlez de votre métier, est-ce que les gens imaginent que vous arrivez à lire dans les pensées ? C'est souvent, oui, c'est souvent le cas. Et c'est pas vrai parce que c'est pas le pensée, mais c'est juste activité matrice Et ça, c'est peut-être le rêve de décoder le pensée, mais je ne crois pas que ça, c'est possible dans le siècle qui vient. Il y a 30 milliards de cellules et notre pensée, c'est les choses quand même compliquées. C'est les choses compliquées. Si on a 10 degrés de liberté aujourd'hui, on est très, très content. Mais ça, c'est déjà beaucoup. Le fait acquis, c'est que la marche au cerveau artificiel est commencée. Et le profane est en droit de se poser cette question. Quel rapport y a-t-il entre la pensée humaine et vivante et la pensée électromécanique? On s'émerveille de voir ces intelligences infaillibles et inertes. Et l'on a un peu peur. Le problème de la pensée, qui n'est pas résolu pour l'homme, se pose maintenant sous une autre forme pour la machine. Deux inconnus s'affrontent, dont on ignore les limites. Le philosophe répond, n'ayez pas peur. La machine n'est pas libre, la machine n'a pas de choix. Le robot reste robot. Qu'il comporte un circuit d'opération ou des milliers, c'est l'homme qui définit ses circuits. Deux engagements fondamentaux, c'est primum non nocere, c'est-à-dire ne pas induire d'effets secondaires au patient, et expliquer au patient ce qu'on va lui faire. Donc vous voyez, pour un certain nombre de protocoles, on a demandé à des psychologues qu'on travaillait pendant un an à faire une explication éclairée pour le patient, et on se rendait compte qu'en fait ce qu'on lui expliquait, il ne le comprenait pas. Évidemment, ce profil, cette idée de l'homme amélioré, du fait de pouvoir donner des capacités supplémentaires à des gens qui vont très bien, François Berger. Il y a deux organes qui font l'homme, alors c'est un peu critiquable ce que je suis en train de dire, mais c'est le germen qui nous permet de nous reproduire et de dupliquer l'humain, et puis c'est la pensée. Qui est la façon dont on interagit. Donc altérer la pensée avec une technologie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Et dans toutes les approches, dans tous les essais qu'on fait, c'est un item qui va être regardé. Est-ce que j'altère la pensée, l'autonomie, le libre arbitre d'un patient ? Mettre une électrode pour rendre, c'est un des délires des transhumanistes, hypermnésique un patient, on a d'énormes risques d'effets secondaires et de lui modifier la pensée. Justement, vous avez un cerveau qui est tout sauf un ordinateur. Un cerveau qui oublie, un cerveau qui fait des erreurs, un cerveau qui va mourir un jour. Donc ça, faut bien voir la vision cybernétique du cerveau des transhumanistes. C'est un cerveau qui ne fonctionne pas. C'est un cerveau machine. Et actuellement, tout ce qu'on sait du cerveau, tout ce que les neurosciences nous apprennent, c'est au contraire ce qui fait qu'on a un cerveau libre. Didier Kernel, vous êtes vice-président de l'association française transhumaniste Technoprod, et donc vous représentez un petit peu les transhumanistes en Europe. Alors les transhumanistes, on peut les définir, en gros, c'est un mouvement qui a été initié par Ray Kurzweil, qui a pensé que l'humanité pouvait évoluer vers une sorte de post-humanité suite à l'émergence des fameux NBIC, donc les technologies émergentes. Donc NBIC, ça correspond à nanotechnologie, biotechnologie, informatique et sciences cognitives. Et justement, à partir du moment où vous vous intéressez aux sciences cognitives, le cerveau intéresse tout particulièrement, les neurosciences intéressent tout particulièrement les transhumanistes. En effet, donc le transhumanisme, c'est l'idée qu'il est possible d'améliorer l'être humain, et parmi les améliorations, il y a ce qui concerne tout ce qui est l'organe le plus compliqué de l'univers connu aujourd'hui, c'est-à-dire le cerveau. Et le transhumanisme est né il y a, on va dire, une vingtaine d'années, avec un certain nombre de précurseurs comme Ray Kurzweil, il y en a d'autres également, qui suivent ces questions complexes et souvent vertigineuses. Il y a aussi, parmi les questions qui se posent, tout ce qui est relatif à l'intelligence artificielle. Donc c'est envisagé de créer une intelligence et même éventuellement une conscience qui puisse être égale, voire dépasser l'être humain. Alors justement, cet intérêt pour les sciences cognitives, comment est-ce que les transhumanistes envisagent d'améliorer le cerveau des êtres humains? Pour le moment, il y a un point commun pour tous les transhumanistes, c'est le souhait d'une vie beaucoup plus longue en bonne santé. Et aujourd'hui, pour les personnes atteintes qui ont 85 ans et plus, il y a 50% de ces gens qui ont une forme de dégénérescence neurodégénérative. Donc c'est vraiment un des aspects les plus fondamentaux dans le court et le moyen terme, c'est comment permettre de vivre plus longtemps avec un cerveau qui fonctionne. Et puis après, dans un plus long terme, il y a la question de savoir s'il est possible et souhaitable d'améliorer nos capacités cognitives. Améliorer nos capacités cognitives, ça peut être plus intelligent, avoir une meilleure mémoire, mais ça peut être aussi, peut-être encore plus important, être plus empathique les uns vis-à-vis des autres. Cependant, cela ne sera pas facile du tout. Et pour le moment, dans ce qui concerne la compréhension du cerveau et dans ce qui concerne la lutte contre les maladies neurodégénératives, on est encore à un stade vraiment uniquement de recherche. On n'a pas encore trouvé de choses qui permettent des améliorations. Didier Cornel, vous êtes attentif et aux pistes d'amélioration du cerveau en termes de performance, mais aussi d'un certain point de vue éthique, une amélioration pour que les êtres humains soient plus généreux. Bien sûr, c'est un des aspects importants pour le transhumanisme. On voit très souvent uniquement la question de, on va dire, plus haut, plus fort, plus grand, etc. C'est aussi comment s'améliorer pour pouvoir être meilleurs les uns vis-à-vis des autres. Et un des enjeux de ce début du XXIe siècle dans lequel il est de plus en plus aisé de se détruire les uns les autres, c'est aussi comment l'éviter et donc comment nous améliorer au point de vue de l'éthique. Et comment nous améliorer au point de vue de l'éthique, ça comprend tous les aspects traditionnels de l'éducation. Dans le mot transhumanisme, il y a d'abord le mot humanisme, mais ça comprend aussi envisager de vraiment changer notre cerveau pour nous rendre meilleurs. Il a beaucoup de talent caché, il est le musée d'homme usé. Il a un ordinateur intégral sur la tête avec Internet et oreille email cellulaire. Il a des jeux de rôle intégrés avec des vrais morts en 3D. François Berger, si je vous suis bien, donc vous refusez de me rendre plus intelligente, mais par contre on voit que ces technologies sont utilisées par des militaires. L'amélioration a souvent plein d'effets secondaires. Je peux vous donner un exemple. Pendant la guerre du Golfe, on a donné un médicament qui empêche les gens de dormir, qui marche très très bien. Et qu'est-ce qu'ont réalisé les militaires? Ils ont réalisé que quand on ne dort plus, on prend des décisions complètement erronées. Et que cette amélioration de ne pas dormir a rendu le cerveau pas très fonctionnel. Donc vous voyez, ça veut dire, pour les militaires, pourquoi pas, mais il faut qu'il n'y ait aucun risque pour l'individu. Et même s'il n'y a pas de risque, il faut toujours, et ça c'est un élément clé, surveiller ce qui va se passer, parce qu'en fait on fait quelque chose de nouveau. C'est très rare qu'une amélioration puisse marcher et puisse ne pas avoir d'effet secondaire. Ça c'est ce qu'oublie tout le monde. C'était Voyage au centre du cerveau. Aujourd'hui, l'ordinateur et le cerveau. Avec Richard Walker, chercheur en simulation Blue Brain, Claude Clément, directeur technique du VIS Center, Corinne Mesté, directeur de recherche au CEA Leti Clinatech, Guillaume Charvet, responsable du pôle conception des dispositifs médicaux au CEA Leti Clinatech, Tatiana Aksenova, professeure de mathématiques, experte en machine learning, François Berger, neuro-oncologue de l'INSERM, Didier Cornel, vice-président de l'association française transhumaniste Technoprod, et Hervé Schneeweis, président du comité d'éthique de l'INSERM. Prise de son, Philippe Etienne, Eric Damaggio et Gilles Gallinaro. extrait du film Her de Spike Jonze, Archivina Marine Decamp, recherche musicale Romain Couturier, mixage Delphine Baudet, réalisation signée Anna Schmuck, un documentaire de Lydia Benitzrak. Patients, médecins, robots, malades et génies, LSD, la série documentaire, c'est tout pour cette semaine. Et pour devenir un robot, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour le labo ou nous réécouter avec son exosquelette, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez toujours nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et pour toujours plus de documentaires, allez faire un tour sur le site de Tank, notre partenaire, une plateforme qui propose une sélection riche, rare et éclectique de documentaires d'auteurs. Mais la semaine prochaine, nous irons regarder de plus près ce Grand Paris qui nous arrive.